Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. 1957. Participante aux travaux de la Société africaine de culture, fondée un an auparavant à l'issue du premier congrès des écrivains et artistes noirs, Edouard Glissant, âgé de 29 ans, prononce une série de conférences visant à définir les particularités, dit-il, de ce que l'on pourrait appeler les littératures nègres. Écho révélateur d'une préoccupation critique marquée par les théories de la négritude, la conférence que nous allons entendre, diffusée dans l'émission « Connaissance de l'homme » présentée par Maurice de Gandillac sur la RTF, interroge le statut même d'une littérature alors naissante et en devenir. Existe-t-il des écrivains nègres ? Si, en effet, des écrivains comme Aimé Césaire pour la langue française, Richard Dwight pour la langue anglaise, Nicolas Guillen pour la langue espagnole, sont considérés comme faisant partie des meilleurs de ce temps, pouvons-nous dire qu'il y a entre eux une relation évidente ? Cette question me paraît pertinente pour la raison que si une littérature nègre existait déjà de manière définitive, avec des normes et des dogmes, nous n'aurions précisément pas à traiter d'une possible intégration, d'une possible rupture de cette littérature par rapport à la littérature française, par exemple. Rupture ou intégration serait chose accomplie. Cette question, intégration ou rupture, ne peut intervenir que dans le cas d'une littérature à l'état de projet, de tendance, et non dans celui d'une littérature déjà fixée. Mais aussi, une telle question ne se poserait pas pour une littérature inexistante, je veux dire qui n'aurait aucune chance d'aboutir. Cette question de l'intégration ou de la rupture a donc une importance capitale, en ceci qu'elle permet d'abord de poser la littérature nègre comme littérature en devenir, qu'on ne peut considérer en soi dans la lettre des œuvres produites, mais dans un mouvement, une projection, un futur. Ainsi, quand je pose cette question de l'intégration ou de la rupture, je postule dès l'abord une relativité des littératures nègres, et faisant de cette relativité une qualité essentielle, je définis ces littératures comme soucieuses avant tout de rallier toutes leurs chances d'aboutissement et ambitieuses par là même de ne sacrifier ni à une stérile ressemblance, ni au contraire à un vain sectarisme. Si tel est bien le sens général de l'exposé, il me faut maintenant entrer dans les détails et traiter plus à vif mon sujet, c'est-à-dire analyser ce mouvement, définir cette projection, prévoir ce futur dont j'ai parlé. On peut considérer les littératures nègres comme se divisant en deux blocs bien définis. Les littératures autochtones, populaires, ce sont les contes, les poèmes, les légendes d'Afrique ou des Antilles. Les littératures modernes, de langue française, anglaise ou espagnole, et pour le français, des poètes comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabé Manonjara. Entre ces deux blocs, un phénomène, la colonisation. Un fait culturel, le colonialisme. L'on peut dire objectivement que, en tant que fait culturel, le colonialisme constitue un abâtardissement de la culture du peuple colonisé. Dans cette mesure, peut-on dire que la littérature nègre moderne et de langue française rejoint par-delà ce fait culturel que représente le colonialisme, en quoi que ce soit ces littératures autochtones populaires dont je parlais. Peut-on établir un rapport entre des légendes africaines, tel poème de Césaire et tel conte cubain? Et si ce rapport existe, est-il souhaitable de les lire, de le vanter, de tâcher d'en dégager les leçons? Toutes questions qui n'ont qu'une réponse positive possible, dans l'affirmation que des littératures de langue autochtone à la littérature nègre de langue française moderne, la continuité est remarquable, les qualités identiques. Que le fait culturel du colonialisme, n'a pas réussi à oblitérer ce qu'on pourrait appeler le message des civilisations nègres. Et qu'ainsi, le moyen d'expression, la langue, la modulation même de la langue, l'unité que confère la langue, abdiquent désormais leur souveraineté pour faire place à un plus haut propos littéraire, propos qui serait de magnifier une nouvelle vision du monde. Par-delà les différentes langues, soit africaines, soit françaises, soit peut-être créoles, c'est l'exaltation de cette vision du monde qui constitue l'unité de ce qu'on pourrait appeler les littératures nègres.